C'était un soir, un matin peut-être, Sylvie. T'en souviens-tu, Sylvie? Je ne sais plus, Sylvie. C'était l'été, l'automne peut-être, Sylvie. Je n'en sais rien, Sylvie. C'est déjà loin, Sylvie. On perd jusqu'à la mémoire d'un air que l'on a chanté. Et tant d'images nous séparent des paysages familiers, d'une rivière, d'un banc de square et d'une chambre où tu venais. Qui se souvient de nous, Sylvie? Qui peut penser à nous? Qui sait encore qu'il y a longtemps on s'aimait fort, on s'aimait tant. Mais tout s'efface, tout se remplace, Sylvie. Rêve d'enfant, Sylvie. Rêve de grand aussi. Et le bonheur lui-même passe, Sylvie. Comme le temps, Sylvie. Comme le vent, Sylvie. On perd jusqu'à la mémoire d'un air que l'on a chanté. Et cet instant et ce visage que l'on voudrait se rappeler ne sont que des châteaux de sable. Bientôt la mer va remonter. Qui se souvient de nous, Sylvie? Qui peut penser à nous? Qui sait encore qu'il y a longtemps on s'aimait fort, on s'aimait tant. Mais on s'est sans doute fait des promesses, Sylvie. T'en souviens-tu, Sylvie? Je ne sais plus, Sylvie. Amour d'un jour, amour de jeunesse, Sylvie. Se sont perdus, Sylvie. Et tu n'es plus que l'oubli.